et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupreyer et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 16e épisode, la maison d'Auteuil. Dès son arrivée à Paris, le comte de Monte Cristo, tenant sa promesse, est allé rendre visite au jeune vicomte de Morcerf, lequel s'empresse de lui présenter son père et sa mère. Au cours de cette rencontre, la comtesse de Morcerf a beaucoup de mal à cacher son émotion. Il ne fait aucun doute que le visiteur lui rappelle quelqu'un. Et qui ? Qui si ce n'est Edmond Dantès ? Celui qui fut son fiancé, alors qu'elle n'était encore que Mercedes la Catalane. Quelques heures plus tard, Monte Cristo, accompagné de son intendant Bertuccio, visite la maison de campagne qu'il vient d'acheter à Auteuil. Bertuccio paraît bouleversé lorsque le comte le conduit dans le jardin, et il s'écrie soudain : « Éloignez-vous, monsieur ! Vous êtes justement à la place où il est tombé. » Qui donc est tombé là, dans ce jardin d'Auteuil? Nous sommes toujours le 27 mai 1838, et je sens que nous allons le savoir. mon cher monsieur Bertuccio, nous ne sommes pas ici en Corse, ceci n'est point un maquis, mais un jardin anglais. Mal entretenu, j'en conviens, mais qu'il ne faut pas calomnier pour autant. Monsieur, ne restez pas là. Je crois que vous devenez fou, monsieur l'intendant. Vous vous tordez les bras et vous roulez des yeux comme un possédé. L'abbé Bouzonni m'avait donc menti lorsqu'après son voyage en France en 1829, il vous envoya chez moi, muni d'une lettre de recommandation. Je vais lui écrire, et je saurai sans doute ce que c'est que toute cette histoire d'assassinat. Ah, ne faites pas cela, Excellence. Je vous ai toujours servi fidèlement. Je ne dis pas non. L'abbé Bouzoni, qui a entendu ma confession, vous avait prévenu que j'avais un lourd reproche à me faire. J'ai cru que vous aviez volé. Ah, monsieur le comte. Non, il s'agissait d'une vengeance. Mais pourquoi cette maison ? C'est ici que la vengeance s'est accomplie. Quoi, ma maison ? Oh, monsieur, elle n'était pas encore à vous. Elle était à monsieur de Saint-Méran, aviez-vous à vous venger du marquis ? Non, c'était d'un autre. Voyons, voyons. Asseyons-nous et racontez-moi cela. Je ne l'ai raconté qu'une fois et c'était à l'abbé. Alors, mon cher Bertuccio, vous trouverez bon que je vous renvoie à votre confesseur. Vous n'êtes plus à moi. Oh, monseigneur ! Je parlerai, je dirai tout. Et si je vous quitte, ce sera pour marcher à l'échafaud. Oui, je dirai tout. Enveloppé de ce manteau qui ressemble à celui de monsieur de Villefort. L'ancien procureur du roi, qui avait épousé la fille du marquis de Saint-Méran et qui avait dans le barreau la réputation du plus honnête et du plus sévère magistrat. Eh bien, monsieur, cet homme à la réputation irréprochable était un infâme. En vérité, contez-moi cela, monsieur Bertuccio, car cette histoire commence véritablement à m'intéresser. Les choses remontent à 1815. J'avais un frère aîné qui était au service de l'empereur. Il était mon unique ami. Nous étions orphelins et il m'avait élevé comme son fils. En 1814, sous les Bourbons, il s'était marié. L'empereur revint de l'île d'Elbe et mon frère reprit du service. Blessé légèrement à Waterloo, il se retira avec l'armée derrière la Loire. Mais c'est l'histoire des 100 jours que vous me faites là. Excusez-moi, Excellence, mais ces premiers détails sont nécessaires. Un jour, nous reçûmes une lettre. Il faut vous dire que nous habitions le village de Rogliano, à l'extrémité du Cap Corse. Mon frère me disait qu'il revenait. Si j'avais un peu d'argent, il me priait de le lui faire tenir à Nîmes, chez un aubergiste avec lequel nous avions quelques relations. De contrebande. Ah, mon Dieu, il faut bien vivre. Continuez. Je résolus d'aller porter l'argent moi-même, laissant 500 francs à ma belle-sœur Assunta. C'était le moment où avaient lieu les fameux massacres du Midi. On égorgeait dans les rues tous ceux qu'on soupçonnait de bonapartisme. En entrant à Nîmes, on marchait dans le sang. Je courus chez mon aubergiste pour apprendre que mon frère, arrivé la veille, avait été assassiné. Je fis tout au monde pour connaître les meurtriers, mais personne n'osa me dire leur nom. Je me présentai alors chez le procureur du roi, qui se nommait Villefort, et venait de Marseille, où il avait été substitut. Son zèle lui avait valu de l'avancement. Il avait été l'un des premiers, disait-on, qui eussent annoncé au gouvernement le débarquement de l'île d'Elbe. Donc vous vous êtes présenté chez lui ? Oui. Monsieur, mon frère a été assassiné hier dans les rues de Nîmes. Et qu'était votre frère ? Lieutenant au bataillon Corse. Un soldat de l'usurpateur, alors ? Un soldat des armées françaises, monsieur le procureur. Eh bien, il s'est servi de l'épée, il a péri par l'épée. Vous vous trompez, monsieur. Il a péri par le poignard. De plus, mon pauvre frère avait une femme. Obtenez pour elle, s'il vous plaît, une petite pension du gouvernement. Chaque révolution a ses catastrophes. Votre frère a été victime de celle-ci, c'est un malheur. Et le gouvernement ne doit rien à votre famille pour cela. Eh quoi, monsieur ? Est-il possible que vous me parliez ainsi, vous, un magistrat ? Tous ces Corses sont fous. Ils croient encore que leur compatriote est empereur. Vous vous trompez de temps, mon cher. Il fallait venir il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est trop tard. Puisque vous connaissez les Corses, vous devez savoir comment ils tiennent parole. Eh bien, je vous déclare que je vous tuerai. Quoi ? Je vous déclare la vendetta. Gardez-vous de votre mieux, car la première fois que nous nous retrouverons face à face, c'est que votre dernière heure sera venue. Et là-dessus ? Je m'enfuis. Ah. Avec une honnête figure, vous faites de ces choses-là, monsieur Bertuccio. Et un procureur du roi, encore. À partir de ce moment-là, il se tint bien sur ses gardes, me faisant chercher partout, sans me trouver. Et quand il se fit nommer à Versailles, je le suivis. L'important était de le tuer sans être arrêté, car je ne m'appartenais plus. Comment cela ? J'avais à nourrir ma belle-sœur. Donc, pendant 3 mois, je guettais monsieur de Villefort. Enfin, je découvris qu'il venait mystérieusement à Auteuil, dans cette maison où nous sommes, et qu'il y entrait par cette petite porte que vous voyez là. Je m'informai, la maison appartenait à monsieur de Saint-Méran, beau-père du procureur, qui habitait Marseille. Il venait de la louer à une jeune veuve connue sous le nom de la baronne. Un soir, en regardant par-dessus le mur, je vis une femme jeune et belle qui se promenait dans ce jardin. Elle regardait fréquemment vers la petite porte et je compris qu'elle attendait M. de Villefort. Elle pouvait avoir 20 ans et je remarquai qu'elle était enceinte et que sa grossesse était assez avancée. Peu de temps après, on ouvrit la petite porte et un homme entra. La jeune femme courut à sa rencontre, ils s'embrassèrent tendrement et regagnèrent la maison. Cet homme, c'était le procureur Villefort. Avez-vous su le nom de la femme ? Non, Excellence, vous allez voir que je n'eus pas le temps de la prendre. Oh, j'aurais pu peut-être tuer le procureur ce soir-là, mais je ne connaissais pas assez le jardin. Je patientais donc. 3 jours après, vers 7 heures du soir, je vis sortir de la maison un domestique à cheval qui prit la route de Sèvres. 3 heures plus tard, un homme enveloppé d'un manteau entrait par la porte du jardin. Je reconnus Villefort. Je sautai par-dessus le mur, me cachai dans un massif et attendis. Deux heures s'écoulèrent pendant lesquelles, à plusieurs reprises, je crus entendre des gémissements. Minuit sonna. C'est alors que la porte qui donne sur l'escalier que nous avons pris tout à l'heure s'ouvrit et que reparut l'homme au manteau. Vous possédez l'art du conteur, monsieur Bertuccio. Oh, excellence. Poursuivez, je vous en prie. Je tirai mon couteau, l'ouvris et me tins prêt. L'homme vint vers moi. Il tenait une bêche à la main. Il s'arrêta à la lisière du massif où je me tenais, jeta un regard autour de lui et se mit à creuser un trou dans la terre. C'est alors que je m'aperçus qu'il y avait quelque chose dans son manteau qu'il avait déposé sur la pelouse. Quand le trou eut quelque profondeur, le procureur tira du manteau un petit coffre, long de 2 pieds et large de 6 à 8 pouces. Il le déposa dans le trou et repoussa la terre. Je m'élançai alors et lui enfonçai mon couteau dans la poitrine en lui disant « Je suis Giovanni Bertuccio. Ta mort pour mon frère, ton trésor pour sa veuve. » Il tomba sans pousser un cri. En quelques secondes, j'eus déterré le coffret et rebouché le trou. Je jetai la bêche par-dessus le mur et m'enfuis. Bon, c'était à ce que je vois. Un petit assassinat doublé de vol. Non, Excellence. C'était une vendetta suivie de restitution. Et la somme était ronde, au moins ? Oh, ce n'était pas de l'argent. Et quoi donc ? Dans un lange de fine batiste était enveloppé un petit garçon qui venait de naître. Il avait dû succomber à une asphyxie causée par des ligaments naturels roulés autour de son cou. Cependant, je crus sentir un léger battement dans la région du cœur. Je dégageai le cou et comme j'avais été infirmier, je lui insufflai de l'air dans les poumons. Après un quart d'heure d'effort, je le vis respirer et j'entendis un cri s'échapper de sa poitrine. Dieu ne me maudit pas, pensais-je, puisqu'il permet que je rende la vie à une créature humaine en échange de la vie que j'ai ôtée à un autre. Et que fîtes-vous de cet enfant ? Je le déposai dans un hospice où on reçoit ces pauvres créatures, après avoir pris soin de conserver la moitié du linge qui l'enveloppait, de manière qu'une des 2 lettres qui le marquaient continua d'envelopper le petit corps. 15 jours plus tard, j'étais de retour à Orleano, auprès d'Assunta, à qui je racontais ce qui s'était passé. « Tu aurais dû rapporter cet enfant, me dit-elle. Nous lui eussions tenu lieu de parents et nous l'eussions appelé Benedetto. » De quelles lettres était marqué ce linge ? D'un H et d'un N, surmonté d'un tortille de baron. Mais de quel crime étiez-vous accusé quand l'abbé Bouzoni alla vous trouver dans la prison de Nîmes ? Dès mon retour en Corse, je m'étais remis à mon métier de contrebandier. Et nous avions fondé un entrepôt dans une auberge sur la route de Bellegarde à Beaucaire, à l'enseigne du pont du Gard. Au retour d'une de mes courses, je trouvai un berceau dans la chambre d'Assunta. Elle avait profité de mon absence et, munie de la moitié du linge, elle était allée à Paris réclamer l'enfant qui lui avait été remis. « En vérité, Assunta, m'écriai-je, tu es une digne femme et la Providence te bénira. » Hélas, ce fut cet enfant que Dieu chargea de ma punition. Jamais nature plus perverse ne se déclara plus prématurément. Et cependant, ma sœur le traita comme le fils d'un prince. Plus de 10 années passèrent ainsi. Quand j'étais à Rogliano, les choses marchaient encore convenablement. Mais dès que j'étais parti, c'était Benedetto qui devenait le maître de la maison. Tous ses camarades étaient choisis parmi les plus mauvais sujets de Bastia et de Corte. Et très vite, la justice nous donna des avertissements. J'en fus effrayé. Toute information pouvait avoir des suites fâcheuses. J'allais justement être forcé de m'éloigner de Corse pour une expédition importante. Je fis à Benedetto la proposition de me suivre. Il me rit au nez. Êtes-vous fou ? Quitter la vie que je mène ? Changer ma paresse contre l'horrible travail que vous vous êtes imposé ? Et tout ça pour gagner un peu d'argent ? L'argent, j'en ai tant que j'en veux. Mère Assunta m'en donne quand je lui en demande. Charmant enfant. Notez, Excellence, qu'il savait parfaitement lire, écrire et compter, car lorsqu'il voulait s'adonner par hasard au travail, à l'étude, il apprenait en un jour ce que les autres apprenaient en une semaine. Et après cela, je partis pour la France. Notre expédition s'exécuta sans encombre. Nous amarrâmes notre barque et nos marchandises de contrebande au milieu d'une quantité de bateaux, et nous commençâmes à décharger nuitamment nos marchandises prohibées. Un soir, notre mousse accourut en disant qu'il avait vu une escouade de douaniers se diriger de notre côté. Mais il était déjà trop tard, notre barque était entourée. Parmi les douaniers, je remarquai quelques gendarmes. Je descendis dans la cale et, me glissant par un sabord, je me laissai couler dans le fleuve. Je nageai entre deux eaux et m'éloignai. Je réussis à gagner une petite hôtellerie. Que tenait l'associé dont vous m'avez parlé? Oui, mais depuis quelques années, il avait cédé son établissement à un ancien tailleur de Marseille, avec qui nous avions gardé les mêmes arrangements. Je comptais donc lui demander asile. Et comment se nommait cet homme? Gaspard Cadrousse. Il était marié à une femme qu'on appelait la Carconte. Et ces choses se passaient? En 1829, au début d'avril, le 3 au soir. Bien. Continuez. C'était donc à Cadrousse que je comptais demander asile. Mais comme d'habitude, j'entrais discrètement par le jardin et gagnais une espèce de soupente où j'avais plus d'une fois passé la nuit. Cette soupente, placée sous l'escalier, n'était séparée de la salle commune que par une cloison en planche dans laquelle des jours avaient été aménagés à notre intention. Si Cadrousse était seul, je le préviendrais de mon arrivée. Or, à ce moment même, Cadrousse rentrait chez lui avec un inconnu. Et la capote ? Le prêtre ne nous avait pas trompé ! Le diable répond ! Qu'est-ce que tu dis ? Et voilà monsieur qui est bijoutier et qui est prêt à nous en donner 50 000 francs ! Oh, l'histoire que vous m'avez racontée de ce prisonnier mourant et de la visite de cet abbé Bouzonni venu pour vous remettre ce diamant, héritage du prisonnier, peut être vrai. C'est invraisemblable qu'elle paraisse, mais quant au prix... Le prix ? Ah, j'en ai offert 40 000 francs. 40 000 ? L'abbé Bouzonni nous a dit qu'il valait 50 000 francs, et sans la monture encore. Ah, montrez-moi ce diamant, que je le revois une seconde fois. Tenez, tenez. Et le voilà. Mmh. Attendez. Bon, j'irai jusqu'à 45 000 francs, mais je ne donnerai pas un sou avec. Voilà. Qu'en dis-tu? S'il retourne à Beaucaire sans le diamant, il nous dénoncera. Mmh. Et qui sait si nous pourrons jamais retrouver cet abbé? Eh bien, soit. Mais les 45 000 francs, où sont-ils? Les voici. Attendez que j'allume la lampe. Hein? Il ne fait plus clair et on pourrait se tromper. Voilà. Alors, le compte y est-il? Ouais. Et quoi que vous nous ayez soulevé, une dizaine de mille francs peut-être. Oh. Hein? Oh. Peut-être voulez-vous souper avec nous? Ça, c'est de bon cœur. Ah, merci. Non, il se fait tard et il faut que je retourne à Beaucaire. Allez, adieu mes amis et... S'il vous revient par hasard des abbés Bouzonni, pensez à moi. Oh, vous allez partir par ce temps-là, vous pourriez coucher ici. Ah, mais vous, j'ai pas peur du tonnerre. Et des voleurs? Pour eux, j'ai mes pistolets. Adieu. Pourquoi tu lui as offert de coucher ici? Pour qu'il n'eût pas la peine de retourner à Beaucaire par un temps pareil. Ah. Je croyais que c'était pour autre chose. Femme, pourquoi as-tu de pareilles idées? C'est égal. Si tu avais été un homme, il ne serait pas sorti d'ici. Oh, femme! Tu offenses le bon Dieu. Tiens, tiens! Écoute! Jésus. Qui va là? Johannes, le bijoutier. Que disais-tu donc? Que j'offensais le bon Dieu. Voilà que le bon Dieu nous le renvoie. Eh bien, il paraît que le diable ne veut pas que je retourne à Beaucaire ce soir. Cher monsieur Cadrousse, vous m'avez offert l'hospitalité, je l'accepte. Avez-vous d'autres voyageurs? Non, nous ne donnons point à coucher. Ah, ben, alors je vais vous gêner. Pas du tout. Nous vous mettrons dans la chambre du haut. Nous avons un second lit dans la pièce à côté. Ils lui donnèrent à souper et à la fin, il monta se coucher. Je l'entendis qui passait au-dessus de ma tête. Les marches craquaient sous ses pas. La lampe dans la salle commune s'éteignit et je finis par m'endormir. J'étais au plus profond de mon sommeil lorsque je fus réveillé par un coup de pistolet suivi d'un cri terrible. Une masse inerte vint s'abattre dans l'escalier juste au-dessus de ma tête. Il faisait toujours noir. Je portai la main à mon front sur lequel il me semblait que dégouttait une pluie tiède et abondante. Dans le silence revenu, un homme descendit dans la salle commune et alluma une chandelle. C'était Cadrousse. Il avait la chemise ensanglantée. Il avait à la main le diamant qu'il roula dans son mouchoir, qu'il tourna autour de son cou. Puis il courut à l'armoire, en tira ses billets et son or et s'enfuit. De mon côté, je déplaçai quelques planches et me retrouvai dans la maison dont je fis le tour. Un corps barrait l'escalier, celui de la Carconte, tué d'un coup de pistolet. Dans la chambre, je trouvai le bijoutier, la poitrine percée de 4 coups de couteau, mort. Je redescendis pour trouver dans la grande salle 5 ou 6 douaniers et 2 ou 3 gendarmes. On s'empara de moi, me prenant pour l'assassin. J'étais couvert du sang de la Carconte qui m'avait coulé dessus à travers les marches de l'escalier. Mais comment les gendarmes étaient-ils là? En quittant ma barque à la nage, j'avais été vu par un douanier et suivi. Ils avaient fini par repérer l'auberge. Ah. Donc ils vous ont arrêté? Et conduit à Nîmes. Et ma première demande au juge d'instruction fut pour le prier de faire rechercher un certain abbé Bouzoni. Si Cadrousse avait inventé cette histoire d'abbé, j'étais perdu. À moins que Cadrousse ne fût pris à son tour et n'avoue tout. J'allais être jugé lorsque l'abbé vint me voir dans ma geôle. Je lui racontai ce dont j'avais été le témoin et il me crut. J'eus la preuve qu'il s'était occupé de moi quand je vis quelque temps après ma prison s'adoucir graduellement. Dans cet intervalle, Cadrousse fut pris à l'étranger et ramené en France. Il avoua tout, fut condamné aux galères et moi remis en liberté. Et c'est alors que vous vous êtes présenté chez moi, porteur d'une lettre de l'abbé Bouzoni. Oui. Et maintenant je demande à votre Excellence, a-t-elle jamais eu à se plaindre de moi? Non. Vous êtes un bon serviteur. Quoique vous manquiez de confiance. Comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais parlé de votre belle-sœur, ni de votre fils adoptif? Hélas, il me reste à vous dire le plus dur de ma vie. En sortant de prison, je repartis pour Ogliano. En arrivant, je trouvai la maison en deuil. Benedetto, avec 2 de ses méchants amis, avait torturé à mort cette pauvre Assunta pour lui faire avouer où elle avait caché notre petit trésor. Il s'était enfui après son forfait, et depuis ce jour, je ne l'ai pas revu. Je n'ai même pas entendu parler de lui. Je n'avais donc pas à vous parler d'elle, morte, ni de lui. Et qu'avez-vous pensé de cet événement? Que c'était le châtiment du crime que j'avais commis. Ah, c'est Villefort! C'était une race maudite! Je le crois. Quant à ce Benedetto, si mal nommé, n'avez-vous jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu? J'espère qu'il est mort. Les méchants ne meurent pas ainsi, Bertuccio. Car Dieu semble les prendre sous sa garde pour en faire l'instrument de ses vengeances. Villefort méritait un châtiment pour ce qu'il vous avait fait. Et peut-être pour autre chose encore. Benedetto, Sylvie, servira à quelque vengeance divine, puis sera puni à son tour. Rentrons maintenant, monsieur Bertuccio. Il est 11h30. Haïdé ne peut tarder à arriver. Ali? Ah. Ali, a-t-on prévenu les femmes françaises qui assureront le service d'Haïdé? Elles sont trois qui attendent dans la chambre à coucher, n'est-ce pas? C'est bien. Madame sera fatiguée ce soir et sans doute voudra-t-elle dormir. Qu'on ne la fasse pas parler. Les suivantes doivent seulement saluer leur nouvelle maîtresse et se retirer. Ah, la voilà. Ali, je vais l'accueillir moi-même. Bonsoir, Haïdé. Bonsoir, Monseigneur. Voici ta nouvelle demeure. Au vu son maître, Haïdé est heureuse. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupreyer et Serge Martel. Aujourd'hui, 16e épisode, La Maison d'Auteuil. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini, Bertuccio, André Weber, Gérard de Villefort, André Oumanski, Benedetto, Jean-Paul Tribou, Cadrousse, Armand Meffre, La Carconte, Anne-Marie Coffinet, Le Bijoutier, Philippe de Rez, Ali, Louis Amiel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre, demain, à la même heure.